me his name again. Tell me his name again. Tell me his name again. J'ai failli frapper vers l'extac. J'veux plus détails, faut que la PJ et la Skoda. Combien de temps passé dans le ghetto, bébé veut qu'on s'en aille. Ouais, t'es ma bella, mais t'étais pas là, comment j'avais nada. Sous ballon pété, hiver comme été, la tête dans les étoiles. J'ai trop charbonné, j'ai trop galéré, bientôt je mets les voiles. J'crache mes poumons dans la cabine, j'vais être sous Jagda. Tout le week-end, j'suis en bandite, je l'amène en balade. Au début c'était Twingo, après c'était GTD. Après c'était RS3, après j'ai pris FF. J'ai bandé toute la journée, stand de place on était trois. La nuit j'ai décapoté, j'avais vu sur les étoiles. Et je m'ennuie des fois, je tourne comme un fou. J'suis sous les étoiles, j'fume un pet au good. Et je m'ennuie des fois, je tourne comme un fou. J'suis sous les étoiles, j'fume un pet au good. J'ai vu des filles faciles et des filles bien passées. J'ai vu des poteaux fragiles et des poteaux déplacés. Au début c'était Twingo, après c'était GTD. Après c'était RS3, après j'ai pris FF. J'ai bandé toute la journée, stand de place on était trois. La nuit j'ai décapoté, j'avais vu sur les étoiles. Et je m'ennuie des fois, je tourne comme un fou.